Je m'appelle Christina et je vais parler pourquoi je prends le français. Je suis en Italie, il fait beau. Je prends le RER parce que je vais faire du shopping. Je vais acheter un cadeau pour mon cousin. Je suis à côté de la fenêtre et j'allume la radio et j'écoute une chanson en français. Je n'ai Je ne comprends pas les paroles de la chanson, mais je l'adore parce que le rythme et la mélodie sont beaux et magiques. Je ne connais pas le chanteur, mais je voudrais parler comme lui. Et bien que cette chanson parle de mettre fin à une histoire d'amour, pour moi, le français est une très belle langue qui est très romantique, mélodieuse, élégante et calme. Moi, je prends le français parce que je voudrais visiter la France et me promener dans les rues de Paris. C'est tout. Merci.